France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le sculpteur Jean Tinguely avait dans sa chambre, qui était pour cela assez grande, la Lotus avec laquelle Jim Clark avait remporté son dernier championnat du monde. Passionné de course automobile, ou plus exactement de Formule 1, Tinguely disait que la F1 était folle et qu'elle devait le rester. L'est-elle restée depuis 1985, l'année où les Nuits Magnétiques consacraient une série en 4 volets au cirque de la Formule 1? S'illustraient alors sur les circuits Alain Prost, Niki Lauda, Michele Alboreto, Keke Rosberg, Nelson Piquet et déjà un jeune prodige du nom d'Ayrton Senna. Folle, sans doute toujours la F1, mais moins dangereuse, beaucoup moins souvent fatale qu'elle ne l'était aux têtes brûlées lancées à plus de 350 km/h, moins gourmande en carburant également, mais toujours plus en budget et plus que jamais soumise aux aléas économiques. Déjà, dans le deuxième des épisodes que nous allons entendre, Jean Tinguely était nostalgique du temps du bolide de Jim Clark, vierge de toute estampille de sponsor. Alors, en attendant que la FE, formule électrique, détrône la F1, plongeons dans son grand cirque, qui sent encore bon l'essence, comme nous invitait à le faire Jean-Philippe Domecq, l'année où, pour la première fois, Cocorico, un Français, Alain Prost, remportait le championnat du monde. Nuit magnétique, le grand cirque de la Formule 1, deuxième partie, une émission diffusée la première fois, le 19 juin 1985, sur France Culture. Bonsoir. Ce soir, et toute la semaine, le grand cirque de la Formule 1. Avec Jean-Philippe Domecq, Laurent Condominas, Mehdi Elhadj, Alain Berthet et Jean Tinguely. Dans ton salon, la voiture de Jim Clark, la voiture avec laquelle Jim Clark a, je crois, gagné son dernier championnat du monde. Oui, ça c'était encore avec un moteur Cosworth, Conventic Climax, de 1,5 litre, et en 65, il est devenu champion du monde sur ce châssis, parce que les moteurs ont changé, les roues ont changé, les suspensions ont changé. Les appuis, il n'y en avait pas à l'époque. C'est la voiture pure, sans pub, sans support, il y a juste Team Lotus, la bande jaune, la couleur verte de l'Angleterre, disons, la pureté comme Gérard Grombach l'aimait beaucoup. C'est une voiture que j'ai dans ma chambre à coucher, pas au mur, elle est là, la chambre à coucher est très grande, elle est toujours là, bien gonflée, prête à partir, mais au premier étage. Et comment fait-on pour se procurer une telle automobile? C'est trois autos, il y avait trois autos comme ça disponibles. Une était Arundel, l'autre Clark, l'autre c'était la voiture de change. Oui, le Mulet. Les mulets ont été achetés par une production de cinéma qui ont fait un film qui s'appelle F1, Formule 1, je crois, oui. C'est le Grand Prix, ça s'appelle Grand Prix. Ah et oui, Grand Prix. Voilà, ces voitures jouent un rôle dans ce film. Et après le film, la production les a vendues à Josie Fair. Et moi, j'ai pu en acheter une pour 10 000 dollars. Wow. Et les deux autres, je les ai vendues. Une Schlumpf l'a achetée pour la collection, super collection à Mulhouse, du frère Schlumpf. Et la troisième, elle est partie au Musée d'art moderne de Stockholm, chez Pontus Hulten à l'époque. Et elle appartient à l'État suédois. Alors, il y en a trois. Une est chez moi. Et il n'y en a pas en Angleterre, ça, c'est un petit problème. Tu as parlé de la beauté de la Lotus. Ah oui, elle est belle. Sans étiquette de commanditaire publicitaire. Sans pub, oui. Est-ce que à cause de ça, la voiture de Niki Lauda l'année dernière, la McLaren, déparerait dans ta chambre à coucher? Ou est-ce que tu l'accepterais en compagnie de la voiture de Clark? Non, je l'accepterais pas. Pourquoi? Parce que la Clark, c'est encore une... C'est vraiment que un rêve. Et ça ne me rappelle rien d'autre que Lotus et pas Marlboro, pas un cowboy, rien d'autre. Alors que Niki Lauda, j'aurais toujours le cowboy dans la chambre à coucher, à cheval, là je ne pourrais jamais l'enlever. Non, rien contre la publicité sur la voiture. Grâce à la publicité, beaucoup s'est fait. Et mon ami Josie Fair, qui est mort en 71 à Brands Hatch, en Formule 1, était lui qui a soulevé McLaren et convaincu les dirigeants McLaren à venir à la F1. Il était couvert de publicité à l'époque. Bon, mais là, il est mort sur une BRM, Yardley, mais qui avait seulement aussi travaillé. C'est un savon, Yardley, je crois. Oui. C'est relativement innocent. Il avait endormi sur son costume. Il était couvert de petites pubs partout. C'est chaque truc de les 1000 balles par an. C'était à mourir de rire, c'est l'homme sandwich. Ils sont d'ailleurs tous à présent des hommes sandwich, n'est-ce pas? Oui, de rien. Ça n'est pas Niki Lauda qui a démarré ce... Niki Lauda marche à fond, hein, et il a même fumé déjà deux cigarettes dans sa vie. J'espère que ce n'était pas des Camels. Mais la publicité est une bonne chose, et ça leur va. Moi, j'aime bien l'image de la McLaren, et je trouve que la Lotus John Players, noire, or, comme ça, c'est bien. Ça ne me gêne pas. Je trouve très beau aujourd'hui, comme la Lotus est, mais la mienne, 1965, pas la mienne, celle de Chapman, tous les Lotus, c'était le sacré Chapman, pas mort. Et tous ces Lotus sont des chefs-d'œuvre. Johnny Rive. Grand Prix de Belgique 64, je me souviens plus de l'année, mais je l'écoutais, j'étais à Paris. Et c'est un des premiers Grands Prix dans lesquels est survenue une cascade de panne sèche en fin d'épreuve. Et j'écoutais donc, je ne sais pas s'il faut dire la radio, c'était Luxembourg. Et c'était un camarade à moi, à l'époque je crois que ça s'appelait Radio Luxembourg. C'est un camarade à moi, un vieux monsieur. À l'époque, je devais avoir 28 ans, et ça me faisait tout drôle de le tutoyer. Il devait en avoir 65. Et bon, bref, là, je l'écoute. Et c'était un gros monsieur, très pittoresque, très français. La baguette de pain, le béret, et le litre de rouge et le camembert. Il avait toujours son fromage dans le coffre de la voiture en déplacement. Et donc, il raconte le Grand Prix de Belgique, etc. Et puis, je ne sais pas à l'époque comment ils étaient... Comment ils étaient informés, parce qu'il n'y avait pas de téléviseur comme c'est le cas aujourd'hui dans les salles de presse. Je sais qu'en tout cas, ils parlaient depuis la salle de presse. Et donc, dans les deux derniers tours de ce Grand Prix de Belgique, je crois que Dan Gurney s'arrête au box pour demander de l'essence. On peut pas lui en donner parce qu'on n'avait pas prévu, donc on ne lui en donne pas. Il repart, il reviendra plus, il s'arrête en panne sèche quelque part. Graham Hill, pareil, même chose. Du coup, c'est le troisième qui hérite de la première place. McLaren sur une Cooper. Alors tout le monde attend McLaren, tout le monde est très excité dans les tribunes, etc., dans la salle de presse, c'est mieux mendre, hein. Et au moment où McLaren tourne à l'épingle de la source, en haut de la descente qui va vers le rouge, son moteur tombe en panne sèche aussi, et là, il a tout de même la ressource de mettre au point mort et de laisser rouler sa voiture dans la pente. À ce moment-là arrive Clark, qui pour une fois n'était pas premier mais quatrième, après les pannes des deux précédents et après la panne, il rejoint McLaren, et il le dépasse dans la descente, et il gagne. Mais, on l'appelait Pépère, mieux mendre, Pépère n'a pas vu ce dernier épisode. Et pour lui, McLaren, qui avait débouché en tête dans la tribune de presse, sans doute que tous les types avaient dit « McLaren arrive, c'est lui qui va gagner », alors qu'ils attendaient Grammy les Garnets, n'a pas vu que Clark avait dépassé McLaren dans les derniers mètres, et puis donc dit « Victoire de McLaren, bravo, le fils du garagiste d'Auckland, etc. » Enfin, il prononçait toujours les mêmes termes à l'époque. C'était le McLaren, c'était le fils du garagiste d'Auckland. Quand on parlait de McLaren, on parlait... Et d'un seul coup, un blanc à l'antenne, et puis Pépère dit « Quoi ? Qu'est-ce qu'on me dit ?» McLaren n'aurait pas gagné, Clark aurait gagné le Grand Prix de Belgique. Ça fait 30 ans que je fais des Grands Prix, que je fais tour par tour, je n'ai jamais commis d'erreur. Je répète, victoire de McLaren au Grand Prix de Belgique, à vous Paris. Et c'était Clark qui avait gagné, c'était formidable. Jean-Francis Held. Comment évolue pour vous l'image de Enzo Ferrari ? Il est très âgé. Je peux vous raconter une petite anecdote. Un jour, il y a Ferrari qui est avec son bras droit, Gozzi, je crois qu'il s'appelle, le docteur Gozzi. Et Gozzi lui dit, attention, vous savez, les Anglais, ils commencent à être durs. Ils ont un type, là, Chapman. C'était en pleine gloire de Chapman. Dit Chapman, il est des Lotus, hein, c'est bon. Et le commendator se tourne un peu vers lui. Et qui est questo Chapman ? Une chose que je voulais ajouter, c'est que j'ai quand même gardé, pendant des années, une lettre autographe d'Enzo Ferrari, qu'il avait envoyé après que j'ai fait un papier dans le Nouvel Observateur sur la lutte entre les Ford, entre les grosses Ford et les Ferrari. Et j'avais appelé ça, je crois, D'Artagnan contre Machiste, en disant que c'était le gros bâton contre la rapière, enfin, etc. Et je parlais de l'insolence des trois dinosaures de bataille qui étaient arrivés en tête aux 24 heures du Mans. Et puis l'année d'après, les trois Ferrari qui arrivent en tête et qui écrabouillent et qui humilient les monstres pleins de chevaux et de dollars. Et il m'a envoyé une lettre, autographe. Je l'ai fait encadrer avec un très beau cadre d'acajou. Je l'ai mis chez moi. Malheureusement, l'encre était de moins bonne qualité que les voitures parce que l'encre s'est effacée petit à petit. Il n'est plus rien resté. Est-ce que tu as rencontré Enzo Ferrari ? Plusieurs fois, oui. Il y a tellement à en dire. Qu'est-ce que tu voudrais savoir ? Parle-nous par exemple de ses lunettes de soleil, de son regard caché, de ses coups de menton, de ses foucades. Son art de la politique, c'est un vieux routier, hein, il a réussi à tracer la vie qu'il vous est donnée, et bon, il a appris à devenir fort, à savoir se défendre, à savoir créer son personnage, à entretenir son mythe, et très fort pour ça, quoi. C'est De Gaulle, c'est Churchill à son échelle à lui, quoi. Il joue admirablement bien de son image. Il contrôle très très bien son image. Et il sait quoi faire, quoi dire, comment réagir, quel temps de pause marquer avant telle réponse. Il sait faire quelques allusions intimes, parfois dans une réunion de journalistes. Il va s'adresser. Et toi là-bas, là, t'es pas si jeune toi non plus, où tu en es sexuellement. Il sait faire des trucs comme ça. Alors les gens rient, puis après, pan, il va asséner une espèce de vérité gaulienne un peu là que les gens attendent un petit peu. Il va pas asséner des vérités qui prennent tout le monde à contrepoil du tout, au contraire. Ah bon, il le dit, c'est bien ce que je pensais. Non, il sait très très bien s'y prendre. Fool or a name. Jamaican way. Waves could be your slave. If you got nothing to do, you're gonna finish ragged and blue. There'll be nothing there. Suisse, j'ai eu des idées farfelues et sérieuses là-dessus, comment l'organiser, en pensant que tous les fanats de la F1 prendraient le train pour aller voir un Grand Prix automobile à Lausanne, parce que là, c'est une situation ferroviaire très intéressante. J'en ai parlé à notre gouvernement, mon gouvernement a trouvé que j'étais diabolique, mais l'idée est très bonne, elle tient, parce qu'on économiserait 1,5 million d'essence, on serait des fanats écologiste de la F1. Oui. En vrai, je pense la F1, je sais que je l'aime, et c'est des choses, c'est toujours comme ça, on est toujours des minorités, on aime quelque chose, il y en a qui aiment que le tennis, il y en a qui aiment que le ping-pong, et moi, et nous, et beaucoup, on est une minorité, mais on adore, on aime la F1. Alors, quand on est comme tu disais, des milliards d'automobilistes... Millions, Des millions d'automobilistes. Ah oui, peut-être un milliard. Oui. Il y aurait donc, pour tout le monde, il y a quelque chose à tirer de la Formule 1. Naturellement. Oh, tu veux dire en profit matériel ? Non, en profit, plutôt en profit intellectuel, psychique, ou peut-être en profit spirituel, oui. Ou moral, ou oui. Artistique. Oui, oui, absolument. C'est apaisant. On peut faire des comparaisons. Il y a eu des groupes, par exemple, de fanatiques, que ce soit des fanatiques, ce n'est pas des fanatiques, des supporters Ferrari à Monza, qui était, par exemple, à un certain moment, en tension avec les supporters d'Alfa Romeo, quand Alfa Romeo est revenu un peu à la course. Oui. Enfin, jamais il y a eu le moindre heurte, il n'y a jamais eu des batailles, des bagarres, j'en ai pas vu, à Monza, et c'est là-bas qu'on pourrait les voir, ou à Imola. Et je dois dire que le sport automobile, qui est très violent, est un sport très pacifique, en comparaison avec d'autres sports, qui sont parfois très ennuyeux, où il ne se passe rien sur le terrain, mais beaucoup dans les tribunes. Quels sont les arguments que tu peux mettre en avant pour créer un nouveau Grand Prix ? L'argument numéro un, c'est que c'est un endroit, Lausanne est une ville qui est située à un centre ferroviaire. C'est le centre ferroviaire que tout le monde, tous les billets, les tickets d'automobile, les 40 000 places qu'il y aurait, ou les 50 000 seulement, tous numérotés assis, on les achèterait chez les CFF, c'est-à-dire la SNCF, les chemins de fer. Et chaque automobiliste et visiteur de ce Grand Prix s'engage à venir en train, c'est-à-dire de laisser sa voiture à la maison, pour pouvoir se défoncer visuellement sur les 20, 25, 28 voitures qui prendraient le départ. Là, ce serait un circuit urbain à Lausanne. Il y aurait peut-être seulement 20 voitures qui pourraient prendre le départ, comme à Monaco. C'est dans la ville, et ça descend sur Ouchy et ça remonte. C'est totalement superbe. Il y a un trajet, une étude qui a été faite et qui est très sérieuse. Et le conseil municipal de la ville de Lausanne, et tout le monde est pour. C'est seulement notre gouvernement qui ne veut pas faire sauter la loi qui nous défend de faire de la compétition automobile en Suisse, parce que, pris de peur, à la suite de l'accident des 24 heures du Mans en 1955, la Suisse a tout simplement et brutalement défendu la compétition. Mais... La constitution helvétique permettrait justement d'envisager un référendum. Oui, ça, on fait ça. Ce serait le premier référendum de l'histoire de la Formule 1, très certainement. Oui, c'est une chose envisageable. Il nous faut 100 000 signatures, on les trouverait facilement. Tiens, il faut que j'en parle, si je vois où c'en est. Je sais qu'il y a un projet dans ce sens. Mais c'est un problème constitutionnel et il nous faut une dérogation. Et pour cela, il faudrait qu'on fasse un référendum. Je suis d'accord. Bien, une première voie donc pour ce référendum. If you're down in a Acuna and you ain't up to being alone, don't spend all your money on just any honey that's grown. Go find the Mexican blackbird and send all your troubles back home. Tina, dancing and a loving's her trade. Her mama was masking and her daddy was a ace of spades. Oh, let's drive that old Chrysler to Mexico, boy. Said keep your hands on the wheel. Je rappelle que les voitures de Formule 1, enfin les monoplaces, n'avaient pas la couleur de leur pilote, mais la couleur de leur nation. Et il n'y a pas de doute que le vert anglais, le jaune belge, le bleu de France, le rouge italien, bon, ça avait quelque chose. C'était pas simplement du chauvinisme, hein, culture contre culture, hein. Il y avait la, puis ça voulait dire quelque chose en plus. Et là, voilà une chose qui a beaucoup perdu. C'est que une voiture anglaise, elle avait une Jaguar, c'était une Aston Martin ou une Lotus, c'était des voitures qui avaient des qualités, qui avaient une personnalité anglaise. Les voitures françaises, une Bugatti, tout ce que vous voudrez, c'était des voitures, bien qu'elle avait un cousinage italien, mais une Talbot, c'était des voitures françaises, et les Italiens, une Alfa Romeo, c'était une voiture italienne, et ce rouge, ce vert, ce blanc des Allemands, bon, une Mercedes SSKL blanche, hein, avec le compresseur Goliath, avec les gros pneus et le casse-poitrine en V à la avant. Bon, je veux pas faire d'anti-germanisme de bas étage, mais c'était des voitures qui avaient un côté wagnérien. Bon, maintenant ça n'existe plus. Bon, les voitures sont faites avec des morceaux rapportés et elles ont gagné en efficacité, et en gagnant en efficacité, évidemment, on nivelle, on a recours aux mêmes systèmes, aux mêmes solutions pour répondre aux mêmes problèmes et pour obéir aux mêmes paramètres. Bon, mais bon, il y a plus d'individualité. Il y a d'individualité par marque, bon, je veux bien. Mais elles sont beaucoup plus difficiles à saisir. Et donc, la légende y perd sans aucun doute. De 13 à 14 heures, la deuxième séance essai officielle. Je vais vous dire que vous allez encore être de votre suite de votre aide de votre aide de votre aide de votre aide de votre aide de votre aide de votre Beauté et fonctionnalité vont de pair. Il est rare que dans une saison, la Formule 1 qui marche moins bien soit la plus jolie. C'est presque toujours le contraire qui se passe. La voiture qui est en tête est la plus belle. On comprend d'une façon d'abord esthétique, peut-être, ce qui se passe en Formule 1. On le comprend par le truchement du son, de l'odorat, mais principalement, évidemment, par la vision. Et Une voiture qui va vite dans un virage, qui rentre bien dedans, qui ressort, est esthétique. Un accident n'est pas esthétique. Il est émotionnel, il a une grosse charge d'émotion, mais qui ne relève pas de l'esthétique. Sauf, à froid, après un Grand Prix, on peut admirer une photo, comme récemment, au dernier Grand Prix de Monaco, une photo d'un accident. Et il trouve une certaine beauté. Une jolie voiture indique en général un potentiel. Pourquoi ? Parce qu'elle est faite de très peu de contradictions. Entre son avant, entre son arrière, entre ce qui entoure ses roues. Attention, il s'agit d'une voiture sans carrosserie presque, puisque les roues sont nues, ces énormes boudins noirs qui n'ont rien de particulièrement beau sont protubérants. L'esthétique, c'est d'abord d'ailleurs la première chose qui différencie une Formule 1 d'une Formule 3000. C'est à peu près les mêmes voitures et pourtant il leur manque l'essentiel, la beauté de la Formule 1, qui se caractérise vraisemblablement par des ailerons, par des petits rajouts, par des entrées et sorties d'air, par des ouïes, par un aspect de squale qui est l'image la plus souvent retenue. Mais en fait, la Formule 1, ça n'est déjà plus une voiture. C'est un avion dont les ailes ont le but de l'arriver au sol. C'est donc plus près d'une flèche. On pourrait envisager de couper un mirage, d'enlever le cockpit, de mettre quatre roues. Ça ressemblera beaucoup plus à une Formule 1 qu'à une Formule 3000 ou à une voiture d'endurance, bien évidemment. Arrêt au stand, plus passage rapide devant les stands. Arrivée d'une voiture en feu. Extincteur. Extincteur encore. Pour l'instant, que faire des mise en route et départ d'une voiture. Après les grands prix du Brésil, du Portugal, de Saint-Marin et de Monaco. Démarrage. Sortie des stands. complètement F1. Là, je suis F1 depuis tellement longtemps. F1, je regarde F1, je dors avec F1. Oui, il faut faire un nouveau langage. À propos de langage, vous dites que vous vous intéressez à la Formule 1 depuis 35 ans, c'est l'âge de la Formule 1. Oui. Vous êtes sculpteur. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir une tentation d'abandonner la sculpture pour la Formule 1 si on songe, si on songe que Colin Chapman est peut-être un grand sculpteur avec le vent? Oui, c'est vrai. Si on songe que la Formule 1 réalise peut-être les miracles de la construction dans l'espace? Oui. Comment ça se passe en vous? En moi, ça se passe simple. J'ai introduit la F1 dans la sculpture. Oui. J'étais chez Renault et j'ai réussi à convaincre Claude Renard de Art Industrie chez Renault et le président directeur général, ex-président directeur général, M. Hanon. Et ils m'ont donné une et demie de F1. C'était de la R30, la R30 83 d'Alain Prost. Qu'on a vu tourner à la Biennale de Paris, justement. C'est ça. Et là, j'ai pu faire ce que je voulais. Ils m'ont aidé à fond. Gérard Larousse, qui était encore à la régie, et m'a aidé aussi. Et Jean Sage, tous ces gens. Tout le monde était d'accord, les mécaniciens, tous enthousiastes avec moi. Et autour de la sculpture, pendant qu'elle tourne, il y a un film qui passe au ralenti, puis à l'accéléré, puis au ralenti, qui montre un arrêt d'Alain Prost au stand. On voit la main de Larousse, le directeur d'écurie, qui s'avance vers le casque, qui lui fait un signe du doigt, puis un autre signe du doigt. Et puis on voit le casque du pilote qui dodeline lentement, qui dit non. Et puis ça repart. Ouais, vous avez bien regardé. Mais c'est toute notre fascination, c'est la vôtre, j'imagine. Oui, moi j'aime beaucoup, je regarde aussi. Je suis totalement en transe en regardant ma propre sculpture. Vous savez, je ne regarde pas ma sculpture, je regarde ces écrans, ces ralentis. Voilà. Parce qu'il faut dire que c'est une très belle prise de vue que la télévision autrichienne a fait. C'est fait d'une grue de haut en bas. Et on voit tous ces mécaniciens casqués à l'époque encore, parce qu'ils faisaient aussi le fuel, ils remplissaient l'essence. Le pit stop était aussi fait avec, comment c'est, la red box. Ils mettaient de l'essence et changeaient les pneus. Et il y avait 11 hommes, je crois, qui se précipitent sur cette voiture. Et cette précipitation, je l'ai fait dans des ralentis différents. Et la précipitation se sent bien au ralenti. On sent que tout ça s'est destiné à être vite. C'est 10 secondes et 58 centimes que dure la red box. Et sont magnifiques, là. Il y en a un qui dure, j'ai un qui ralentit jusqu'à, je crois, 35 secondes, oui. 45 secondes, comme ça. C'est très beau, je peux regarder, je rêve aussi, je fais comme un spectateur ordinaire. J'oublie la sculpture centrale qui est le producteur de ces images, là, qui les diffuse, et je rêve, je suis content, je suis heureux. Mais justement, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger tous les trois sur cette anecdote qui est très, très révélatrice quand même? C'est vrai qu'on pourrait tous les trois regarder cette séquence à l'infini. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est aussi dingue de Formule 1, d'après vous? Oui, c'est une maladie de peau. Moi, j'en ai déjà d'autres. Pour mon boulot, je fais tourner les roues depuis tellement longtemps déjà dans mes sculptures que vraiment, ça doit être une maladie. Hein, et j'arrive toujours encore à refaire un moyen d'expression valable. J'arrive toujours encore à me motiver. C'est-à-dire que je ne me motive pas du tout. Je m'endors comme une patate le soir. Je ne pense à rien, mais le matin, je fonce. Et je suis profondément pris toujours par cette activité qui consiste à ridiculiser le machinisme et à jouer avec notre civilisation technique et à faire un commentaire social sur notre époque de haute technologie. Grand Prix d'Estoril 1985, première victoire d'Ayrton Senna sous la pluie. À la beauté de la mécanique s'ajoutait la beauté de la pluie par rapport à la carrosserie, c'est-à-dire l'effet de l'eau poudrée derrière le bolide forme un voile à la fois gris et noir qui intensifie, qui plombe plutôt les couleurs et des carrosseries et le brillant des carrosseries et de l'herbe environnante. Je dis bien ça les plombe. La Lotus qui a gagné, aux mains d'Ayrton Senna, elle a gagné en aveugle. C'est-à-dire que, certes, il était en tête, mais il ne voyait pratiquement rien. Pourtant, nous remarquions sur les écrans qu'il n'y avait pas de correction de trajectoire au niveau des roues. Là où les autres, si vous me passez l'expression, naviguaient littéralement, pilotaient à vue. C'est-à-dire que c'est beau quand c'est exact. La voiture est belle parce qu'elle a un potentiel, parce qu'elle a un rapport entre puissance Parce qu'on soupçonne, en la voyant, un rapport entre puissance, adhérence, tenue de route, finesse, qui nous paraît exact. De même, le pilote, dans cet engin, s'il a des courbes, des trajectoires parfaites, on a ce sentiment d'exactitude qui allie la machine et l'homme. Et là, naît, chez le tifosi, chez le passionné de moyen d'automobile, de course automobile, naît le sentiment de la beauté. Tu vois, c'est pas la voiture comme sculpture, c'est pas le pilote comme chevalier. Non, parce que ça, c'est une comparaison. Je crois que dans le regard de celui qui admire le sport automobile, qui y va le plus souvent possible, il n'y a pas de recherche de métaphore, pas de comparaison. Il aime la chose à nu. Il aime voir une photo de la Ferrari C124 où il reconnaît que c'est la Ferrari C124 et non pas un pur sang écarlate. La beauté est une alliance. En l'occurrence, elle est formée par l'alliance entre le pilote, sa machine et le circuit sur lequel tout l'opéra se déroule. À 15 km de Milan, ce n'est pas une représentation d'Aïda ou autre fresque historique exportée par la Scala, mais un vrai spectacle d'arène où des chrétiens seront dévorés, qu'annoncent apparemment les rugissements des moteurs qu'on fait tourner au plus aigu avant la définitive mise en marche. Clameur exacerbée de ménagerie, aussi virulente que parfois, sous les tropiques, le déclenchement, soleil tombé, d'un soudain ourvari auquel concourent des bêtes de toute espèce, oiseaux, mammifères, batraciens, insectes. Ensuite, dans un bruit de tonnerre, le départ en serré pour disputer le Grand Prix automobile de Monza. Mais peu après ce moment qui abasourdit en même temps qu'il engage à un délire épique, le vacarme s'émiettera, le peloton s'étant vite étiré, puis l'intérêt s'émoussera car on ne saura plus, à cause des tours d'avance pris par certains, lesquels sont les premiers et lesquels sont les derniers parmi tous ces mobiles, beaux cigares métalliques crûment colorés mais sans bagues et timbrés seulement de numéros en noir sur blanc, petits ballons dirigeables propulsés ventre à terre par le vent qu'ils engendrent, baignoires tubulaires d'où émergent à peine des bustes moins casqués que mitrés, enviables pénis horizontaux à la façon dont les Boschimones, qui ne sont pas seulement stéatopiges, portent, paraît-il, le leur même au repos, torpille dont la double paire de roues fait songer à l'unique couple d'ailes ornant les phallus sur mains graffiti et monuments figurés de l'antiquité gréco-romaine. Au bord de la piste de ciment, que l'on jurerait parfaitement lisse mais dont les joints invisibles font tressauter visiblement les bolides, une voiture de pompiers, une ambulance marquée de la Croix-Rouge et un prêtre en soutane manifestent de gauche à droite, face aux tribunes, l'ordre très rationnel dans lequel sont prévus les secours, techniques, médicaux et in extremis, spirituels. Michel Léris, Frêle Bruit. Dice il tuo amor, perché si triste? Padre, signor, la pura ora de campi, pace al tuo corpo, mamma. Fuggisti, o straniero, dite in te. Non piange, Urso, ti lascio, Stridence des pneus au passage d'une grande courbe à gauche. Je trouve toujours ça très beau, la Formule 1 et la culture automobile. Mais vous n'allez pas comparer le 24 Heures du Monde maintenant avec les 24 Heures du Monde 1950. Je crois que personne n'y... D'ailleurs, le public s'y trompe pas non plus. Hein. Bon. La magie qui était liée à son imperfection et à son espèce de spontanéité pas bien réglée qui laissait place à toutes les foucades, à toutes les innovations poétiques, à toutes les partialités, hein, ça, pour moi, ça a disparu. Maintenant, c'est devenu un sport objectif. Pourquoi la F1 plutôt que les rallyes ou l'endurance? Oui, bon, c'est simple à dire, c'est la formule reine, mais je ne sais pas non plus. J'ai toujours aimé la F1, j'ai toujours fait la différence entre les différentes courses de voitures. Et le rallye, je vais avouer que je n'ai même jamais été voir un rallye, parce que la forme de la voiture ne m'inspire pas. Alors que la F1, c'est une espèce de... La folie est incorporée dedans. L'absurdité est mieux intégrée dans la F1. La folie qui caractérise au fond notre... Encore une fois, notre petite civilisation super chouette et infernale est mieux dans la F1. C'est plus à l'image, c'est plus au diapason de notre société. Et aussi, il y a quelque chose de fabuleux, le circuit, le sprint, ça ne dure pas des siècles, hein, ils ne se traînent pas, comme on reste absolument, là, au ralenti, en faisant des économies sans arrêt. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que la F1 ne devienne pas une espèce de economy run. Il faut qu'elle reste folle, elle est folle. Et c'est un signe de folie de tourner en rond comme ça, c'est évident. Et d'ailleurs, Lauda X et Joseph dans tous, à un certain moment de leur vie, du constater, ils ont dit, mais on est fous, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est évident qu'ils sont fous. Et ils sont fous, et c'est bien, il faut bien le faire. From the south to the west, to the east, to the north, come on, Tony D, go off, then go off. Yes, yes, y'all, a freak, y'all, to the beat, y'all, it's so unique, y'all. Well, I was speeding down the street, then I pushed my brake, because I seen a fine girl, maybe shimmy, and shake, then I blew my horn, and she turned her head, and to the younger lady, this is what I said. I said, baby, baby, come on over to my car, and tell me your name, so I can know who you are, and just give me your number, address, and all. I might want to see you, I might want to call. Your friend's house, your house, wherever you be, but meanwhile, baby doll, just come with me. So I opened my door, she got into my car. She looked into my face, said I know who you are. She said I seen you once, I can't forget your face. You got style, got class, finesse and taste. I said I'm glad you think so, I'm glad we met, cause I haven't met a girl nothing like you yet. But just lay on back and relax your head, but come and see so soft, just like a bed. And then she looked at me and started to smile. She said, baby, let's have a little fun for a while. I know every move from A to Z, but if it's alright with you, it's alright with me. But if we do it in the car, that's no respect, so let's go to my house. She said, it's a bed. And when I got into my house, I told the female, wow, the first thing she said, yeah, yeah, yeah, yeah. Une fois franchi le mur du son, l'avion redevint une chambre close, immobile. Simplement, elle était devenue une cabine de forme bizarre, flottant inerte dans la haute atmosphère. L'objet immobile devient précisément l'archétype de l'objet animé, ou plus grande vitesse. Dans la lumière impitoyable du pare-brise, je serrais les dents sur la joie toute nue. Rien de plus naturel de s'imaginer l'idée de la gloire tirant son origine des rayons du soleil qui se déversaient sans merci par la cloche de verre du poste de pilotage, de cette lumière intégralement nue. La gloire était à coup sûr le nom donné à pareille lumière, inorganique, surhumaine, nue, pleine de dangereux rayons cosmiques. Mishima, le soleil et l'acier, F104. Lorsque l'on va vite, on le sent. au grain du bitume, au bruit de la voiture, au vent qui coulisse sur, près des vitres, etc. On a une impression de vitesse véritablement concrète. Le pilote de Formule 1, il est dans un engin qui est fait pour aller très vite. Par conséquent, lorsqu'il est en pleine vitesse, lorsqu'il atteint le 300 à l'heure, il y a une zone paradoxale où le maximum de mobilité devient un sentiment d'immobilité. Par immobilité, qu'est-ce qu'on peut entendre ? Le pilote voit la ligne discontinue des lignes blanches médianes devenir continue. La foule n'est plus qu'un ruban plus ou moins, comment dire, comme un champ de coquelicots plus ou moins frémissant. Et les arbres ne sont plus qu'un ruban de soie verte. Ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht. Shining slowly. Ich höre nur birds are flying. Ihren Klang. So low. Honey, you're my one and only, so pay me what you owe me. The lights are going down slowly, in the woods the animals are moving. In my dreams you're talking to me, your voice is them parents over destiny. A palm for them parents over destiny. A palm for them parents over destiny. A palm for them parents over destiny. A palm for them parents over destiny. A palm for them parents over destiny. Beispiel Nummer 22. À Berne ici où je suis dans le Bremgarten et il y avait une forêt et la forêt fermée. Les arbres se fermaient en haut, et quand moi j'étais avec Eva Apple, un sculpteur avec lequel on était mariés ensemble à l'époque, et j'ai vu le premier Grand Prix, le premier passage de voiture, Eva, elle est tombée, raide presque, elle a couru dans la forêt comme une biche, s'est enfuie, et moi j'ai dû la chercher dans la forêt, et on a eu peur. Mais quand même, 10 minutes après, on était au bord de la piste. Elle avait mordu, mais on a eu une peur, une frousse terrible. Et Josipher m'a dit la même chose, quand il a vu pour la première fois un Grand Prix, quand il avait 12 ans, il a couru dans la forêt, il s'est échappé, il a eu peur. Son père a dû le rechercher, il a eu peur comme gosse. Et je crois que de toute façon, la peur, c'est une source de créativité énorme. Et c'est très important, la peur. Il faut avoir peur, sinon ça va pas. Et dans la F1, c'est une peur qui est partagée par les acteurs et les spectateurs. Oui, et on vit, on tremble. Sortie de virage en appui. Perte de contrôle dans un pif-paf. Franchissement d'un virage en S à plusieurs. Concurrent, légère glissade avant. filez ligne droite. Débouché d'un virage. Voilà, Johnny Reeve, à un moment, il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, on avait évoqué la possibilité d'une ouverture du circuit des Grands Prix vers les rideaux de l'Est. Michel Vaillant, de Jean Graton d'ailleurs, luttait à un moment contre des pilotes soviétiques qui gagnaient un début de saison, je crois, dans le pilote sans visage, après avoir, dans l'épisode précédent, espionné les pilotes et les écuries de Formule 1. Il a dû en être question dans la réalité. Je sais qu'il y a des courses qui s'apparentent un peu à la Formule V ou peut-être la Formule Renault qui avait lieu à un moment dans les pays de l'Est. Et puis, on n'en parle plus du tout. Pourtant, est-ce que on pourrait envisager une équipe plus ou moins sponsorisée par exemple, par l'armée rouge? Je ne sais pas comment ils peuvent s'organiser, mais en tout cas, on en parle. Chez les professionnels, on suit un petit peu l'histoire des espoirs du pays de l'Est. Il y a un gros public, une énorme potentialité de public dans les pays de l'Est. Ils sont tellement sevrés de ce genre de spectacle qu'ils en attendent beaucoup. Ils ont des courses. Il y a, en Tchécoslovaquie, il y a un circuit Brno, qui est très connu, s'y déroulent des manches du championnat d'Europe, des voitures de tourisme, des manches du championnat du monde de moto, etc. Et ils attirent une foule absolument considérable. Le courrier que reçoivent les pilotes de course provient en très très grande partie des pays de l'Est. Tchécoslovaquie notamment, Pologne. Cher Jacques, alors dans un français maladroit, je te prie de m'envoyer ta photo avec une signature signée Marguerite, ou des petites jeunes filles, des petits jeunes gens de 12-15 ans qui écrivent. Il y a beaucoup, beaucoup des pays de l'Est. Bon, alors pour en venir à la probabilité d'un Grand Prix dans un pays de l'Est, eh bien cette probabilité-là, elle est très proche, puisque des responsables hongrois étaient à Francorchamps pour y rencontrer Bernie Ecclestone. Ils étaient les invités de Bernie Ecclestone en vue de l'organisation d'un Grand Prix de Budapest 1986. Et peut-être que ce qu'ils ont vu les a un petit peu alertés. Ils savent qu'il ne faut pas se tromper en faisant l'enrobage du tracé du circuit de Budapest. C'est au moins positif. Mais il est fortement question pour l'année prochaine. Ah, et à quand une écurie de l'Est? Ça, c'est plus dur. C'est plus dur? Bah oui, parce que je ne vois pas comment ils peuvent être appuyés financièrement, à moins de faire comme, je sais pas, une écurie d'État, comme faisait Hitler avant-guerre. Hitler avait financé les équipes Mercedes et Auto Union parce qu'elles participaient, selon lui, au prestige du Reich, et elles glanaient des tas de victoires sur toutes les courses d'Europe. À l'époque, c'était pas le monde, c'était l'Europe, c'était le championnat d'Europe. Je ne sais pas comment ils pourraient créer une équipe, à moins que Coca-Cola soit intéressé par la création d'une équipe hongroise ou tchèque et finance cette équipe-là pour s'ils avaient l'autorisation de vendre du Coca-Cola au-delà du rideau de fer. Qu'est-ce que la politique viendrait faire par rapport à la Formule 1? Est-ce qu'on ne peut pas considérer que la Formule 1, c'est tout simplement le plus pur produit du capitalisme, comme diraient certains esprits un peu courts? Oui, ça serait court parce que vous voyez, c'est pas le capitalisme est une chose entre autres. Il y a d'abord la phénoménale invention de la technologie et de la technique qui a commencé par un bout avec un peu de vapeur d'abord, et beaucoup de vapeur ensuite, et un peu d'électricité, beaucoup d'électricité, des moteurs à explosion. Et c'est une histoire fabuleuse qui plutôt il faut aller la chercher du côté de l'apprenti sorcier de Goethe qui nous montre un peu la folie dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est évident que c'est fabuleux, qu'on ne peut plus faire marche arrière, qu'on continue vers l'avant. Et on introduit, heureusement qu'il y a beaucoup de jeunes générations, et surtout à la suite de la Révolution française de 68, il y a eu la grande phénoménologie de l'écologie. Les écolos ont un peu été écoutée. On a commencé à réintroduire la raison dans notre société. On ne réfléchit tant bien que mal comment raisonnabiliser notre folie totale. Mais il faut bien dire que c'est les ingénieurs qui, eux, font le progrès social. C'est pas nous. C'est pas les penseurs. Mais disons, c'est pas Jean-Jacques Rousseau. C'est plus Voltaire. À l'heure actuelle, c'est plutôt des ingénieurs, parfois des groupes d'ingénieurs obscurs qui bouleversent le monde dans ces structures sociales. Oui, donc Chapman, c'est un peu l'artiste moderne. Oui, ça, c'est un artiste pur, c'est un styliste, c'est une extraordinaire chose ce qu'il a fait. Mais il faut le voir dans le contexte de l'ensemble de cette époque technologique. Moi, je ne veux pas séparer la F1 de ce monde qui est l'ensemble de notre monde occidental. Et je reste là avec nos problèmes et je les écoute et je les entends. J'ai le temps un peu de parler avec des ingénieurs quand j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un. Je demande, je pose des questions. Et j'essaie de m'approcher un peu des énormes quantités de difficultés que nous avons dans tous les domaines cachés de notre énorme, fantastique cirque de fabrication technique, tout azimut, tout genre, l'évolution fabuleuse qui est dangereuse et diabolique par moments, que fait cette civilisation technique, qui est la nôtre. Barbed wire. I got a cobra snake for a necktie. A brand new house along the roadside, and it's a made out of rattlesnake hide. Got a brand new gin that baby built on top, and it's a made out of human skull. Come on, take a little walk with me, baby, and tell me who do you love? Who do you love? Now I'll lie on the ground and use a rattlesnake whip. Take it easy, baby, don't you give me no lip. Who do you love? Stonehand, a graveyard mine. I'm just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Yeah, who do you love? Oh, who do you by my hand, she said, Lonesome George, you don't understand. Who do you love? The night was dark and the sky was blue. Down the aisle where I swag and flew. Hit a bump and somebody scream. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Yeah, who do you love? Oh, who do you love? Miles d'Indianapolis. Survint alors un de ces terribles carambolages typiques des 500 miles et pour laquelle la piste semble conçue. Celle-ci étant ovale, les concurrents se battent pour tenir la corde intérieure des virages, tous quatre à gauche. Or, au départ, le peloton est fort dense par rang de trois voitures. Ajoutez à cela les vitesses que le tracé permet d'atteindre, entre 250 et 300 km, roue dans roue. Résultat, l'un des concurrents tenta d'en doubler un autre à l'intérieur du quatrième virage, manqua son coup, traversa la piste en perdition, s'écrasa contre le mur de protection, rebondit en feu vers la piste où débouchaient 19 bolides. Deux pilotes furent brûlés vifs. L'incendie fut tel, autour notamment de la voiture en magnésium des 10 Saxe, que la course fut interrompue pendant 1h45. Le temps pour les pompiers de reconstituer leurs réserves de neige carbonique. Les concurrents restants attendirent le nouveau départ, les uns avec leur équipe, les autres dans leur cockpit. Clark avait le regard rêveur, mais de temps en temps réajustait son casque. Dans ce moment de tension qui précède tous les départs, certains pilotes ont les yeux qui remontent sous l'orbite et on voit le blanc des yeux sous l'iris. Le 30 mai 1964, ils avaient devant eux d'épais nuages de fumée qui traversaient les hauts grillages, tandis que des tracteurs tiraient les carcasses brûlées. Jean-Philippe Domecq, La corrida mécanique. Il y avait une espèce de jamboree, un peu sauvage, quoi, pas gentil du tout. Un jamboree, c'est un truc un peu gentil, un peu mièvre. On se groupe autour d'un feu et on chante des chansons. Là, le feu, on le mettait à un quart. Un quart de japonais ou autre. Un bus, une auto, choisie parce qu'elle était là et qu'on avait bu pas mal de bière, je sais pas ce qu'on avait pu fumer, et puis... Ça faisait vraiment peur. Et parfois, ils fonçaient avec une voiture dans les voitures des parkings. Il y a des incidents comme ça qui se passent aux États-Unis. Pas ce qu'ils faisaient exactement. Moi, ce à quoi j'ai assisté, j'étais avec ma femme et vraiment on avait peur. En Watkins Glen, c'est que ça se passait donc la nuit dans un espèce de grand parking. C'était un champ. En temps normal, c'était un champ. Là, c'était devenu un parking non loin du circuit. Et puis bon, il s'en était pris une auto qui avait été complètement... brûlé d'abord, puis après avec des barres de fer tapé dessus, il avait réduit à l'état de galette, enfin un truc de fou. Et alors nous on approche, il faisait nuit, donc on voyait mal, il y avait des lampes de poche, il y avait quelques feux de camp, et puis là, on voit ce truc là, il y avait un attroupement autour d'un truc, et puis c'était une auto qui avait brûlé, qui avait été réduite à l'état de sculpture de César presque. Et là, les types avaient des barres de fin à main, ils tapaient, puis ils se retournaient vers les autres, ils leur donnaient la barre, à toi, réjouis-toi, que comme le viol d'une femme par les soldats, je suis passé à toi, ils passent aux copains. On avait vu ça, nous on était complètement... On avait peur, quoi. On se disait, mais on est chez quel sauvage. Et à un moment donné, pas loin de là, il y avait... des motorhomes qui étaient garés, puis deux, trois types éméchés, etc., qui vont vers un des motorhomes, lequel, pourquoi ils prennent celui-là plutôt qu'un autre, on sait rien. Et ils mettent des pneus enflammés sous le motorhome pour faire un nouveau feu de joie, quoi, à leur façon à eux. Et le type du motorhome était là, heureusement, il commence à s'en prendre au gars, qui était trois ou quatre, lui était seul, il gueule, etc., puis il met en route, il monte sur son truc, il met en route, et paniqué, il met une vitesse, il accélère, et il s'en va dans le champ, là où il y avait des gens qui couraient, qui se promenaient, ceux qui étaient à 50 mètres de là ne voyaient pas ce qui s'était passé, donc ils se promenaient le soir, il faisait bon, je sais pas, ils devisaient tranquillement, et ce truc-là a foncé au milieu de cette foule un petit peu distraite, quoi, je veux dire, c'était vraiment impressionnant, c'était un truc de fou, quoi. Et quelle est l'ambiance avant Indianapolis ? L'ambiance est un petit peu la même, c'est-à-dire un peu à l'américaine, là où on boit de la bière, où on gueule, où on... Un peu sauvage, quoi. Un peu easy rider, un peu... C'est pas vraiment réjouissant, quoi. Il y a un côté... un côté petit meurtre sans importance là qui est latent quoi. Bon, c'est des gens qui sont sans doute paisibles, mais qui là se défoulent. Je sais pas ce qui se passe. Et que je te hurle et que je baisse mon pantalon. C'était un numéro ça à Watkins Glen, les types qui pantalon baissé montraient leur sexe au type qui venait se ranger dans le parking. Et voilà. C'était une espèce d'exhibitionnisme que dont ils se payaient le luxe à cet endroit-là et peut-être à d'autres endroits. Je ne sais pas. Des coutumes auxquelles on n'est pas habitué vraiment, quoi, je veux dire, et qui surprenaient, quoi. Indianapolis, c'est un peu le cas. Détails suggestifs. D'autres grillages à Indianapolis interdisent aux femmes l'accès de la Gasoline Alley, où attendent les bolides et les mécaniciens en combinaison rutilante. En entendant ça, Laurent, je me pose une question. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de femmes en Formule 1 ? Enfin, je me la pose, je sais pas si tu as une idée là-dessus, mais après tout, ça devrait être possible, puisque c'est une compétition qui s'appuie sur la mécanique, donc les différences musculaires pourraient être compensées par les machines. J'ai une petite idée, je sais pas ce qu'elle vaut, je sais pas ce que t'en penses. T'es bien d'accord avec moi pour penser que la Formule 1, ça marche avant tout sur les nerfs. Ce qui fait un champion, c'est la pression intérieure. Un grand champion marche à la pression intérieure. Alors, est-ce que ce serait pas dans l'usage des nerfs que serait la différence ? L'usage des nerfs, aussi, sûrement, mais dans la Formule 1, il y a ce besoin d'atteindre la limite, c'est-à-dire de connaître la limite. Michel Mouton, qui est cette rallywoman extraordinaire, de grande classe, qui est une ravissante jeune femme, disait que la grande différence peut-être... Elle acceptait de courir très très vite en rallye, mais elle disait que le rallye, il faut finir. Qu'en Formule 1, il faut avant tout gagner, il faut être le plus rapide, en un temps très court, et que peut-être, alors que l'homme... Lui est tenté toujours d'arriver à la limite de l'extérieur de son domaine. La femme, elle, a le souci de porter l'avenir, de préserver une part de sécurité à l'intérieur de son domaine. Alors elle l'expliquait comme ça. Les femmes en Formule 1, on les voit pour le moment... l'équipe magazine disait les petites mains de la Formule 1, on voyait effectivement la chronométrice, la cuisinière de chez Ligier, un ingénieur très important qui est une femme aussi. Mais au volant, non, je me souviens d'une réflexion d'un pilote de Formule 1, un Français qui est toujours en activité, qui est très connu pour son fair play, qui disait « Ah oui, oh, les femmes en Formule 1... c'est très bien, moi ça me gêne pas du tout, mais si elle voulait me doubler, je sais vraiment pas comment je réagirais. C'est assez symptomatique de l'état d'esprit. C'est vrai que les pilotes, par exemple, ont accueilli Cathy Muller, qui court en Formule 2, avec beaucoup de gentillesse au départ, et puis Cathy Muller s'est mise à doubler des gens, et ça, il ne tolérait pas. Alors... on l'a poussé un peu en se disant, dans le feu de l'action, elle reconnaîtra pas que c'est moi, les pilotes verront pas que c'est une femme forcément, ça va si vite, bon, on en a poussé un, je savais pas que c'était elle, sinon, bien sûr, je l'aurais laissé passer devant. C'est pas très très net, il y a une décision plus ou moins latente d'exclure les femmes de ce domaine. On se dit, voilà un domaine, un des rares domaines qui reste privilégié aux hommes. Alors donc, pas de femmes, et là-dessus viennent se greffer plein d'explications sur la physiologie. On peut dire, oui, si les femmes pouvaient faire de la Formule 1, ben elles en feraient, mais c'est pas un raisonnement. Si les Français pouvaient être champions du monde, ils le seraient déjà. Non, ça ne tient pas non plus. Ce que tu dis sur le rallye, tu as parlé de Michel Mouton pour le rallye, ça me fait penser à une chose... Tu parles de ce réflexe de survie, ce seuil de survie, c'est peut-être une hypothèse en effet. Mais ce seuil de survie est sûrement plus concret dans le cadre d'un rallye, parce que le rallye lui-même est concret. D'abord parce qu'il travaille sur le long terme, sur l'alternance du jour et de la nuit, le sommeil et l'éveil, la nature évidemment, Les voitures sont des boules de nerfs, bien sûr, mais elles sont dans la nature. Alors peut-être que là, le problème du seuil de survie existe, alors que la Formule 1, c'est ce qui fait sa, ce que disait Tinguely, ce qui fait sa folie, ce qui fait qu'elle est la reine, et en même temps l'absurdité de notre monde, c'est qu'elle, c'est une folie abstraite. Et alors là, du coup, l'instinct de survie peut-être est un peu plus gommé. Oui, c'est certain. L'instinct de survie doit même être complètement anéanti, parce que si on est en bon accord avec son instinct de conservation, on peut s'asseoir dans une Formule 1, mais je ne crois pas qu'on embraye en première vitesse. On en reste là, on s'installe et puis on sort. Car là, on vient d'entendre les bruits de moteur, rien que d'appuyer un petit peu sur la pédale au point mort, c'est le déclenchement d'une tyrannie insensée. Et est-ce que ça joue sur le physique? Est-ce que ça joue sur la préparation psychologique? Je crois pas. Les femmes ont justement un esprit de compétition très fort, très exacerbé. Il y a qu'à voir aussi bien dans les compétitions qui leur sont réservées que dans les compétitions mixtes. Justement, une des rares compétitions mixtes, finalement, c'est le rallye. Tout au moins une des rares compétitions mixtes qui ait vu l'émergence d'un véritable champion, c'est le rallye. Quand Michel Mouton était donc en passe de devenir championne du monde dans une voiture qui était l'Audi Quattro, son principal rival, Walter Rohrl, qui est considéré comme l'étalon même du rallye, disait « Oui, mais c'est une voiture, elle est tellement fantastique que vous pourriez mettre un singe dedans, il gagnerait les rallyes. » Cette année, Walter Rohrl est dans l'Audi Quattro, il n'a pas gagné. Donc, je crois qu'il y a un couvert de mauvaise foi qui est tout à fait compréhensible, puisque on est tout le temps sur le fil du rasoir. On est sur le fil du rasoir, année après année. Il y a déjà cette compétition entre Dupont, Durand, machin et tout ça. Si en plus les filles arrivent, on n'a plus aucune excuse. On peut plus dire ah le terrain était gras, le ballon était dégonflé, j'avais pas assez d'essence dans ma voiture. C'est plus possible parce qu'elle elle a les mêmes moyens. En plus, Michel Mouton avait une coéquipière féminine. Et donc, c'était un vrai team de femmes. Elle a gagné dans des pays qui sont supposés être très machos, le Portugal, San Remo, l'Acropole, en Grèce. Elle a vraiment frappé fort dans ce domaine-là. Et c'est une méditerranéenne, une beauté du Sud, qui mâche pas ses mots, qui joue pas à la petite midinette du tout. Elle est vraiment là, elle est carrément là. Elle a une grande différence dans sa narration des courses, c'est qu'elle n'oublie jamais ses rivaux. Elle va toujours trouver le moyen de complimenter un tel ou un tel, et c'est sûr qu'en Formule 1, quand on complimente un autre pilote, c'est en général condescendant, ou alors c'est pour dire ça explique pourquoi je ne suis pas le premier, parce que l'autre est tellement bon, vous comprenez, sa voiture est supérieure et tout ça. Si c'était une femme, je vois pas du tout comment il s'en tirerait. Peut-être que le seul... Est-ce que si c'était une femme, par exemple, il y a cette anecdote de James Hunt qui a perdu un grand prix, une victoire de justesse à cause de Jackie Hicks, et puis qui dit après la course, ben, un championnat du monde, ça peut parfois se perdre à cause de X ou Y. Certainement, là il avait une bonne occasion de s'en tirer par une boutade, ça leur arrive très rarement. Quant aux femmes, eh bien, il y a eu des expériences. Il y a eu une femme, Leila Lombardi, qui a gagné un demi-point au championnat du monde. Il y a eu Desiree Wilson, qui a tenté de trouver sa place. Et actuellement, encore une fois, il y a cette jeune Française, Cathy Muller, qui, malheureusement pour elle, n'arrive pas vraiment à concrétiser, bien qu'elle ait gagné l'année dernière en Formule 3. Elle espère toujours avoir une Formule 1. Je ne sais pas si les commanditaires se laisseront attirer par cette nouveauté. En tout cas, on ne sait pas trop si au fond les hommes défendent un fief, ou si en effet il y a quand même quelque chose que dans la Formule 1 qu'ils sont seuls à pouvoir affronter. Lorsque ma fille aura gagné un grand prix, on le saura. Mmh. Tu vas l'y encourager, j'espère. Je pense. Et ce fut elle qui, soudainement, se sentit seule. L'inconnu, à côté d'elle, vivait un monde dont elle était exclue. Cet homme venait de l'appauvrir. Rythme les agite tous devant ses yeux qui font le tour de la piste. Il sent aux pommettes la peau tendue par l'excitation, par un reste d'excitation. La victoire, dernier frisson de victoire, c'était il y a quelques heures. Il y a quelques heures, sur le podium, victoire à Brands Hatch. Au pays d'adoption, il vient de remporter le Grand Prix d'Angleterre. À mi-saison, il était temps. Déjà, on murmurait qu'Horta ne se ressemblait plus. Manquait le comeback. Victoire à Brands Hatch. Tout n'est pas perdu. Cette victoire, elle a fait briller les yeux. Elle a refait crier le nom Horta, briller les yeux. Entre les gens, un plateau passe. Le gérant en personne venu la porter. Discrètement, il s'incline vers Jim. Accolade. D'autres se tournent vers la tablée. Jim répond au sourire. On se félicite, on blague, mais ne s'entend pas. Dan, il exulte, avale une grande rasade. Toi, tu ne bois pas. Tu sens encore trop le frisson. Le frisson frais aux pommettes. La légère fatigue. Détente, détente. Tout peut repartir. Et ton regard flotte au-dessus de la tablée. Englobe la piste de danse, au-dessus la vibration des spots. Pendant qu'il parle, ça parle de la victoire. Et dans quelles conditions cette victoire? Qui la prévoyait au départ? Et tu n'écoutes plus. Mais tu sais de quoi il parle. Et qu'ils ne sont pas seuls à en parler ce soir en Angleterre. Cet écho te porte. Tu vois la piste et ses danseurs. Tu es au Stardust. Sans délai, ils ont filé après la course. De Brands Hatch à Londres, ils ont filé par Ash, puis Dartford, évitant les cortèges de voitures. La cérémonie du podium, où Horta s'est attardé plus qu'à son habitude. Et dans la salle de presse, il s'est laissé interroger plus qu'à l'ordinaire. Là, il a vu l'ami, le seul ami parmi eux. Walter l'a tiré de leurs pattes. Ému, Walter. À lui aussi, ses yeux brillaient, l'air de dire « C'est reparti, vrai, tout repart, comme avant. » C'est ce qu'il a murmuré, Walter, en l'attirant vers la petite porte du fond. Il se cale dans le fauteuil. La fin du disque vient de se fondre avec le début du morceau suivant. 2 mois que Jim n'a pas mis les pieds au Stardust. Cette nuit, il va aimer tous les rythmes qui se succèdent et n'en font qu'un. Cette nuit, elle est douce, la fatigue. Le gérant a quitté la table, rayonnant. Certains, dans la boîte, te reconnaissent. Tu acceptes quelques poignées de main. Tu peux, cette nuit, tu t'en fous de tout. Horta is alive. Dan, à côté, boit beaucoup. Et Walter aussi. Avec Ken, ils discutent. Tu as l'air de les écouter. Ils se comprennent à peine avec cette musique. Musique. Jim reporte son attention sur la piste de danse. Entre pas mal d'autres, Mariella se déhanche avec Lorenzo. Il y a du monde. Saturday night. Les danseurs changent de rythme. Plus ralenti, nouveau morceau. Cette chanson. Let me be your mirror. C'est bien ça. Jim reconnaît. Mais où l'a-t-il entendu ? Cette fille qui passe en dansant, seule entre les gens, hors de la piste. Il se souvient, « Let me be your mirror ». C'était à Zolder, le petit bar près de l'hôtel. La fille repasse, dansant toujours tête baissée. « Let me... » Tu ne te souvenais pas du saxo ? Il y a un filet de saxo tout du long. Sur les têtes qui dansent ou restent à regarder ou s'inclinent un verre aux lèvres, sur les têtes passe le reflet rythmé des spots. Jim se cale dans le fauteuil. La fille, encore à danser, se faufilant lentement. Chevelure blonde, répandue, légère à reflets pailletés. D'ailleurs, elle a de légers scintillements sur la robe, courte. Il remarque le contour du slip quand les reins ondoient. Peau pâle. Elle ne regarde personne. Une entraîneuse, il n'y en a jamais eu au Stardust. À moins que, depuis 2 mois, elle redresse la tête. Parce que 2 types sont devant elle. L'un lui parle, elle baisse la tête, avance une épaule et s'insinue entre les types sans cesser de danser. À peine s'il a de la poudre au visage, pâle et plein, de nouveau caché par les boucles floues, glissant autour de l'épaule. Jamais vu ici, se dit-il. Il repose son verre. Remarque qu'il n'est pas seul à la regarder. Elle a l'air d'aller vers le bar. Disparaît entre les gens. Jim se penche vers ses compagnons. Essaie de se mêler à leur conversation. Ils en sont au prochain Grand Prix. Jim dit qu'il sera demain à l'usine et qu'il va commander à boire. Leurs verres sont vides. Quand il arrive au comptoir, la fille n'y est plus. Il regarde au-dessus des têtes au moment où elle disparaît par l'escalier. Maintenant, un portrait flash de Niki Lauda. Comment dire ? Cette espèce de loup pâle, aux yeux vrillés de froid, mais aux dents en griffes d'humour. C'est de Niki Lauda qu'on vous parlera demain. On ne vous racontera pas que ses hauts faits de gloire, mais aussi sa brusque retraite. Puis son étonnant comeback et surtout la mort qu'il a vue et dont il est revenu. Le grand cirque de la Formule 1 avec Laurent Condominas, Jean Tinguely, Johnny Reeve de l'équipe, Jean-Francis Held de l'événement et Jean-Philippe Domecq. Les textes de Michel Léris, Frêle Bruit, Mishima, Le Soleil et l'Acier, Pierre Fisson, Les Princes du Tumulte, Jean-Philippe Domecq, Sirène, Sirène, est élu par Laura Duke et Jean-Philippe Domecq. Nuit magnétique, Hervé Kelfer, Mehdi El Hadj. Demain, suite du grand cirque de la Formule 1. Bonsoir. Cette émission a été diffusée la première fois le 19 juin 1985 sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.